Bilan. Activité 1. Page 110. Piste 83. Bonjour madame. Je peux vous aider? Je cherche un t-shirt. Vous voulez un t-shirt de quelle couleur? Noir. Comme ça? Oui. Vous voulez essayer? Non, merci. Ça coûte combien? 25 euros. Je le prends.